Chanson de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Chanson. Air, La Tour Saint-Jacques. Nous nous aimions encore enfants, à l'âge où la pensée s'amuse de ces riens charmants qui font la joie aisée. Souvent, tous les deux, le matin, courant par la prairie, nous cueillons au buisson voisin l'aubépine fleurie. Oh, ce fut un beau temps pour nous, n'est-ce pas, ma chérie? Car le soleil était bien doux, et sans aucun souci jaloux, je savourais auprès de vous la vie. Vos 16 ans sont vite arrivés, et moi je suis un homme. Nous devenons plus réservés, mais plus heureux en somme. Si parfois nous allons tous deux par la verte prairie, ce n'est plus pour cueillir joyeux l'aubépine fleurie, mais c'est pour causer entre nous. N'est-ce pas, ma chérie, que nous trouvons des mots bien doux, et que je fais plus d'un jaloux en savourant auprès de vous la vie? Mais te voilà femme, et je vois que mon amour extrême n'est pas vain, car j'entends ta voix qui soupire « Je t'aime !» et ta main tremble dans ma main comme une sensitive, que je voudrais être à demain. Va, ne sois pas craintive, le bonheur veut durer pour nous, ô ma belle chérie. Demain je serai ton époux, et je ferai plus d'un jaloux en savourant à tes genoux la vie. Fin de chanson, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.